Vos oreilles sont-elles prêtes pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante et pendant 3 heures, on déballe ces CD, on découvre ce qui pourrait finir sur le palmarès de C'est fou et ce qui pourrait finir dans le bac à recyclage de C'est fou. Beaucoup de styles différents. Aujourd'hui, on a reçu la formation The Great Outdoors avec leur album Spring. On a aussi du Alexandre Poulain qu'on va entendre un petit peu plus tard. Mais on commence avec une formation, une valeur sûre ici parce que Les Beaux Vous Venez, ça donne à tourner quelquefois ici à C'est fou. Leur nouvel album s'appelle Encore la mort et on l'a reçu. On commence avec la pièce Greek Woman tout de suite dans le poste d'écoute à C'est fou 89.1 FM dans vos oreilles. Lesbo Vrouven, dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Ça, c'était la pièce Avant, c'était Greek Woman. On a commencé avec la pièce titre de leur nouvel album Encore la mort, Lesbo Vrouven. Voici venu le dangereux retour de Lesbo Vrouven, qui présente sous le titre évocateur de Encore la mort un disque sexy et important, lourd et dansant, douloureux et entraînant, disent-ils. Une apologie de la mort en 12 chansons pour pleurer sur la piste de danse. Un concept éloquent qui sera suivi d'un court livre historique expliquant chacune des dates associées à Encore la mort. D'accord, donc leur site web, c'est lesbovrouven.com ou encore myspace.com/lesbovrouven. Là-dessus, ça dit que les membres sont Sam Murdoch, Hugo Lebel et Antoine Caron. Et puis, ils vont être en spectacle le 20 juin en lancement avec Meta Gruau au Gymnase de Montréal. Donc, 20 juin, 21h au Gymnase à Montréal avec Meta Gruau. Sur leur MySpace, il y a des pièces à écouter, dont Encore la mort et celle qu'on a entendu tantôt. Il y a aussi une pièce sur leur album qui s'appelle Bli Bli Bli. C'est le nom de leur pièce. Donc, Lesbo Vrouven, très bon. J'avais découvert ça via l'émission La Dernière Porte à Gauche, diffusée les vendredis soirs à 20h avec mon ami Kiwan, qui a diffusé ça à un moment donné, puis ça m'avait comme marqué un peu. Lesbo Vrouven, l'album, c'est Encore la mort. On passe de l'anglophone au francophone. On va entendre du Alexandre Poulain, qui nous envoie son album éponyme. Et on commence avec la pièce La Voyante. Ça commence à l'instant même dans votre poste d'écoute. Vous découvrez des choses, vous ouvrez grand vos oreilles et vous laissez entrer de la nouvelle musique. Inspirons la musique. Mais ne l'expirons jamais. S'ennuie, célibataire depuis deux vies. Elle rêve de trouver l'amour et se demande quand viendra le jour. Un soir en manque de vraie tendresse, elle appelle une voyante à TQS. Toute poque pour 5 piastres la minute, sa vie va faire de toute culpette. Ça sonne au bout du fil quand répond une vieille voix qui tremble. Mado demande fébrile de tout savoir, de tout entendre. La voyante se fait pas prier et c'est juste un peu pour étirer le temps. Puis lui prédit des banalités, vrai pour n'importe quel bas-homme. Soudain la voyante plisse les yeux et d'un geste habile retourne ses cartes. Sa voix devient celle d'un vieux lépreux et puis c'est là que l'histoire dérape. Écoute Mado, ça va faire mal. Oublie l'amour pis le rêve nuptial. Ce que les cartes viennent de m'apprendre, c'est dur, c'est noir, regarde, j'en grande. J'aime pas dire les mauvaises nouvelles, mais au prix que tu payes, je vais jusqu'au bout. Dans moins d'un mois, tu seras mort, tu m'appelles. Les cartes l'ont dit, les cartes savent tout. De Mado, les mots résonnent comme entre les murs de Carcassonne. Elle qui rêvait du grand amour, lave-le maintenant qui compte les jours. Oh, puis les jours passent comme en été. Mado angoisse, vous pouvez pas savoir. Bête consciente qu'elle va se faire tirer ou frapper en rentrant demain soir. Fait que plus t'en penses, toi et Mado sort. Y'a tellement de grands dangers dehors. Mais comme sa mère, elle ment du cœur, même tout seul chez elle, Mado a peur. Un soir, la pression devient trop forte. Quand on nous voit, Mado capote. Elle avale sa pharmacie d'une shot avec un whisky on the rock. Contente d'enfin en finir avec le stress d'avoir à mourir. La tête lui tourne, les murs aussi. La blague qui tombe sur le tapis. Sur ses lèvres, l'esquisse d'un sourire. Pendant que les images viennent et vont, sa dernière pensée avant de mourir. Quelle bonne voyante, elle avait raison. Quelle bonne voyante, elle avait raison. Quelle bonne voyante, elle avait raison. Les cartes l'ont dit, les cartes savent toutes. Quelle bonne voyante, elle avait raison. Les cartes l'ont dit, les cartes savent toutes. Dans moins d'un mois, tu seras morte, ma belle. Les cartes l'ont dit, les cartes savent tout. Y'a tellement de grands dangers dehors. Au prix que tu payes, j'vois jusqu'au bout. Dans moins d'un mois, tu seras morte, ma belle. Alexandre Poulain avec la pièce La Voyante. On va l'entendre une dernière fois la pièce, un bout de temps, parce qu'on l'avait reçue en single il y a de ça quelques semaines. On l'avait aussi reçue en 2006, étrangement. Donc on voulait faire rejouer. On n'avait pas tellement aimé ça dans le temps, cette pièce-là. Donc on va appeler ça notre bloc « Donnons la chance aux coureurs ». Dans le poste d'écoute, au 89.fm, dans vos oreilles. J'ai donné tout un coup de bord dans ma vie dernièrement, puis j'ai jeté par-dessus bord ma job, ma blonde, puis mes tourments. J'ai pris un billet ouvert pour le Costa Rica. J'ai vais voir ce que je vais y faire, mais je comprendrai rendu là-bas, rendu là-bas. Je sais, je me suis poussé au bout du monde. Je suis désolé d'être aussi loin. Faut commencer par faire le vide pour espérer refaire le plein. Je sais exactement ce que je suis, mais je sais pas ce que je vais trouver. Je suis à trace de qui je suis, puis je vais bien finir par me rattraper. Dans un bout de temps, j'irai mieux par là. Dans un bout de temps, j'irai mieux par là. Il paraît que ce qui nous tue pas nous rend juste un peu plus fort. Le peuple de l'au-delà doit être rempli d'amoureux morts. La vie, c'est jamais comme on pense, comme on veut ou comme on souhaite. Paraît qu'il faut juste faire confiance et qu'on comprend toujours mieux après. Après un bout de temps, j'irai mieux par là. Après un bout de temps, et un jour j'ai compris que j'étais pas le sauveur que je pensais être. Et que pour ton propre bonheur, fallait que je te laisse tout seul. Toute seule avec ta tempête. Le coup que ça m'a donné m'a fait crier à n'avoir la voix rauque. C'est là que j'ai décidé de faire du pouce sa force des autres. Puis je paierai au suivant dans un bout de temps, quand j'irai mieux, que la lumière sera venue dans mes yeux. Dans un bout de temps, j'ai retrouvé le chemin sous mes pas, puis m'éloigne de toi. À ton tour, t'es parti à ta recherche en voyage. Tu t'es fait de nouveaux amis, certains pas juste de passage. Ainsi va-t-on vers demain vivre le moment présenté. Des fois main dans la main, puis d'autres fois tout seul. Pour un bout de temps, un bout de temps, un bout de temps, j'irai mieux par là. Après un bout de temps, j'irai mieux par là. Dans un bout de temps, j'irai mieux par là. Alexandre Poulain avec une pièce qui est bien meilleure au deuxième écoute, à la deuxième écoute, oui. La pièce Un bout de temps, on s'en va entendre maintenant la pièce La cigale et la fourmi d'Alexandre Poulain. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. Ah, c'est fou, 89.1 FM. C'était dit de façon très sensuelle. Hein? La cigale et la fourmi se sont connues quand ils étaient petits. Chanter en duo, sous les feuilles vertes, rêvait de faire des shows, pis des cassettes. C'était fait un camp en haut d'un trône, en cure-dent, pis en la saison, se douter qu'avant l'adolescence, la vraie vie les séparerait. La cigale venait d'une famille bohème, mère est feuilleuse, père est connu. C'était connu d'un bled de fines herbes pour finir en histoire de cul. Sa mère disait pas besoin de grand chose pour être simplement heureux, faire une maison au cru d'une rose, pour être à l'abri quand il pleure. Puis il suffit de chanter pour passer le temps, puis croire que tout peut t'arriver si tu y crois vraiment. La fourmi de son côté venait d'une famille d'ouvriers qui avait connu la grosse misère, mais c'était fini, disait son père. Je veux plus que tu fréquentes les cigales, c'est du petit monde qui font rien de bon, se prélance le jour sous des pétales au lieu de faire des provisions. Puis ils font juste chanter pour passer le temps, au lieu de se lever puis travailler pour prendre des répits, des placements. Ainsi leur route est devenue deux sentiers, deux vies, deux mondes, puis deux quartiers. La cigale appelée par le grand air, la fourmi par la fourmilière. Comme partout le temps a fondu, chaque jour comme une année. Et quand l'automne est apparu, la cigale a frappé sans retenue. Je gâche que t'as juste chanté pour passer le temps, dit la fourmi, endoctrinée par le faux pouvoir de l'argent. Ben traite-moi de sans-cœur si tu veux, mais t'auras rien de mes provisions. Même si j'en ai assez pour deux, le paye pour tes rêves pis tes chansons. Je pense qu'on s'est mal compris, dit la cigale à la fourmi. J'suis pas venu pour te quêter de la bouffe, mais pour te dire que je prends la route. Hier, au cabaret du marais, René Lange de Lille m'a découvert. J'te dis pas ça pour faire mon vrai, mais à cette heure, il gère ma carrière. La fourmi lui répond de sa voix noire, si tu vois Jean de la Fontaine, envoie-les donc promener de ma part. Sa fable avalait pas Saint-Saëns. J'aurais tant voulu chanter pour passer le temps, peut-être juste t'accompagner en duo comme dans le temps. Au lieu de ça, je suis prisonnier, la prison que je me suis bâti. Le seul rêve qui reste à ma portée, c'est d'être une fourmi dans Love Story. Alexandre Poulain avec la pièce La cigale et la fourmi, précédée de Un bout de temps. Et on a commencé avec La voyante, de son nouvel album éponyme, de son premier album. Et enfin, on avait reçu, comme je disais tantôt, un sample de la pièce Un bout de temps, il y a justement un bout de temps. J'avais pas super apprécié, et là, je suis heureux d'avoir donné une deuxième écoute parce que c'était vraiment pas si mauvais. Donc, le premier album de l'auteur-compositeur-interprète Alexandre Poulain, qui se définit comme un conteur de chansons et un chanteur d'histoires. Si certaines chansons sont autobiographiques, plusieurs racontent l'histoire de personnages. Les chansons d'Alexandre touchent, émeuvent et font sourire, dit-il. Il est facile de s'y reconnaître ou de reconnaître les gens autour de nous. On y sent l'intérêt et la bienveillance d'Alexandre pour ses semblables. De la balade à la composition plus rythmée, Alexandre se promène dans différents univers musicaux. Pour ce premier album, il a travaillé en collaboration avec le réalisateur Guy Tourville. Le premier extrait radio, justement, Un bout de temps, qui racontait un voyage au Costa Rica, mais surtout un voyage au bout de lui-même. Il est originaire de Sherbrooke et a vendu plus de 5000 exemplaires de ses deux démos maison. Il dit que c'est énorme quand on sait que ses ventes furent effectuées sans aucune promotion, sans réseau de distribution ni aucun point de vente. C'est très révélateur de l'intérêt qu'il suscite. Conscient de l'immense chance qu'il a de pouvoir vivre de sa musique depuis déjà 10 ans, Alexandre Poulain, aujourd'hui âgé de 30 ans, met la touche finale à son premier album solo sous l'étiquette Victoire. Donc l'album d'Alexandre Poulain, éponyme d'ailleurs Alexandre Poulain, est en magasin dès maintenant. Son site web, c'est le alexandrepoulain.com ou myspace.com/AlexandrePoulainMusic en anglais. Il y a aussi une biographie là-dessus, quand même assez longue. Il était en spectacle il y a quelques jours au cabaret du Musée Juste pour Rire, et puis son album est sorti le 13 mai. Il fait du folk indie pop. Voilà donc pour Alexandre Poulain. Passons à un groupe canadien qui s'appelle The Great Outdoors. Leur nouveau maxi s'appelle Spring. Et ça dit ici que Spring est le premier dans une série de maxi avec ayant pour thème des saisons. Oui, de l'ensemble folk rock The Great Outdoors qui souligne ou surligne tout ce qui définit ces moments glorieux entre ces moments glorieux de transition, d'espoir et de nouveaux débuts. Voilà. Donc, The Great Outdoors avec leur maxi Spring. Voici Spring Flower dans le poste d'écoute au 89.fr. Like a spring flower share this river and revel in its power. And take me as a friend, and take me as a lover, and open up your love like a spring flower, like a spring flower, like a spring flower, like a spring. Tiptoe like a prowler, and got you in my life. I'm a wild howler. I'm a wild howler. I'm a wild howler. I'm a wild. In the villages, a great heart. Generosity and a river attraction. In the towns of honesty, obedience and constancy. In the lake of indifference. Open up your love like a spring flower, share this river and revel in its power. And take me as a friend, and take me as a lover, and open up your love like a spring flower, like a spring flower, like a spring flower, like a spring. Une autre pièce des Canadiens de The Great Outdoors après la pause dans le poste d'écoute. standing in the slip of a well, waiting all this coldness to pass. It's been forever, you've been holding us down. Time to get aside and get it started. In a mountain or a fog in the grass, we see the crimson trim of your night. Far in the east, I hear a rumor struck about her coming to envelop us all. We are so tired, how it always moves from you. But not for long, sinking, but you must know. You will again be holding sway over things. Give us your green carpet of stars for a while. Singer of songs, fill the trees we once were looking through. Under the spell, the sweet beginning rains. A short little skirt, and all the possibilities. Yeah, let it bleed sunlight into our bones. I'm a shadow that seems so long, is now turning back into me. And the color fills me up, ripening the tone of gray. Half there's a kid in June, well, you could see it by her troubled smile. Newly minted leaves so green, bringing the heaven you keep up inside. Formation The Great Outdoors avec leur pièce So Long Old Man, précédée de Susie's Song et de Spring Flowers avec leur maxi Spring, ici dans le poste d'écoute. The Great Outdoors, qui est un groupe de East Van en Colombie-Britannique, un groupe de indie folk rock. Les membres sont Adam Nation, Steve Wedgelin, Stephen Wells, R.C. Coldham, Jojo Darling, Randy Forrester, Ken McAllister, Sean Brody et Dan Brody. Beaucoup de gens dans The Great Outdoors. Ils sont en tournée en ce moment en Colombie-Britannique pour le mois de mai. Et puis, il y a une biographie sur leur myspace.com/ The Great Outdoors DDG, The Great Outdoors DDG, ou encore sur leur vrai site tgod.ca pour The Great Outdoors.ca. Leur maxi s'appelle Spring. Il va y en avoir un pour chaque saison. Hein? Chaque saison. Ça va être beau, ça. 4 EP. On reste dans le canadien pour aller entendre la formation de Speakeasies. Leur album s'appelle Better Side of Not So Good. Et pour la toute première fois sur les ondes de C'est Fou, en même temps que vous, je vais écouter la pièce Better Side. Tout de suite, dans le poste d'écoute au 89.fr. Coming over, girl, I feel so so good. The Speakeasies avec la pièce The Race, précédée de Hope That Lives Today et de Better Side, trois premières pièces de leur nouvel album Better Side of Not So Good. The Speakeasies, c'est un groupe de indie rock de Guelph en Ontario. Mm-hmm. Steve Simmons à la guitare et la voix, Kenny Phelps à la basse et la voix, Liam Bible à la batterie et Rick Thompson à la guitare. Ils sont en spectacle un petit peu partout en Ontario en ce moment. Ils font le tour de leur belle province. The Speakeasies, leur site web, c'est myspace.com/thespeakeasiesreprise ou encore thespeakeasies.com. Ne faites pas myspace.com/thespeakeasies parce que ça vous amène à un groupe qui a le même nom mais qui est en Caroline du Nord. C'est trompeur, ces choses-là. Malheureusement, pas tellement plus d'informations sur The Speakeasies, mais bon, moi j'ai bien aimé. On reste dans le canadien pour aller entendre du Junior Panthers avec un Z parce que c'est toujours beaucoup plus cool. Voici leur pièce On and Off dans le poste d'écoute et je vous rappelle qu'on découvre les nouveautés pour la toute première fois en même temps que vous. Donc j'ai rien entendu de tout ça et tous ceux qui disent le contraire, là, c'est des menteurs. La gang. Je les aime pas pantoute. Tu sais. Comment tu peux faire confiance à du monde qui dit qu'on écoute les pièces avant de les faire jouer? Par rapport. Time. you're not drowned, the scar set in. It's familiar now, but looks discreet. Hey! The young ones drowned, the scar set in. It's familiar now, the taste of defeat. Of defeat. Junior Panthers avec In and of Itself, précédé de On and Off de leur nouvel album Rejoice Remain. C'est la fin de la première heure du poste d'écoute. On a découvert plusieurs nouveautés dans cette première heure. Lesbo Fouven avec Encore la mort, Alexandre Poulain avec son album éponyme, The Great Outdoors avec Spring, The Speakeasies avec Better Side of Not So Good et Junior Panthers avec Rejoice Remain. Dans la deuxième heure, on va entendre une autre pièce de Junior Panthers et on va découvrir Fouad and the Fezztones avec leur album Pyramid. Quel excellent jeu de mots, hein, n'est-ce pas? Ceux qui veulent savoir tout ce qui a joué dans l'émission d'aujourd'hui jusqu'à maintenant et dans le futur et dans le passé des autres épisodes, c'est très simple, allez voir le www.unechance.com. www.unechance.com, c'est le site officiel du poste d'écoute. Allez-y aussi pour télécharger la balado-diffusion en MP3 à chaque semaine. Mais pour l'instant, restez avec nous. Le poste d'écoute revient dans 2 minutes au 89.fm. Deuxième heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Cette émission comprend 3 heures et pendant 3 heures, on découvre ces nouveautés. On les déballe, on les écoute, on les a jamais entendues d'avance. On sait même pas comment les mixer, tellement qu'on sait pas ce qui s'en vient. Premier album, on doit terminer avec Junior Panthers. Il nous restait une pièce à entendre. On écoute toujours les 3 premières de chaque album, comme dans un vrai poste d'écoute, comme vous le faites peut-être dans votre magasin de musique préféré. Donc False Positive, c'est la prochaine pièce qu'on s'en va entendre. Et juste après, on va parler de Junior Panthers. Oh que oui, monsieur, monsieur, madame. C'est le poste d'écoute au 89 FM. Dans vos oreilles. Junior Panthers avec la pièce False Positive de leur album Rejoice Remains. C'est tout nouveau, c'est tout neuf. Junior Panthers, qui est un groupe de indie alternatif rock de Saskatoon, en Saskatchewan. Ils sont d'ailleurs en spectacle là-bas en juin. Ils vont aussi faire l'Ontario et l'Alberta. Terry Matheson, Arnold Van Lumbalgen II, SJ Kardash et Megan Kardash sont dans ce groupe. Junior Panthers avec un Z.com ou myspace.com/JuniorPanthers. Allez les voir, gentil petit groupe qui a l'air bien sympathique. En tout cas, sur leur photo, Junior Panthers, l'album, c'est Rejoice Remain. Maintenant, on passe à un album de Fouad and the Fez Stones qui s'appelle Pyramid. Pyramid, vous avez bien compris. Là-dessus, il y a des pièces tout aussi bizarres que Mo Rockin', Jibook Decal, That's Bad, That's Worse, ou encore Shiver Me Timbers. Drôle de groupe. Fouad and the Fez Stones, voici justement Jibook Decal dans le poste d'écoute. Du booty car! Vous avez bien entendu? Du booty car! Le poste d'écoute dans vos oreilles! Du booty car! We'll be right back. them drums for the Pharaoh. Rich and ready, a little bass for the Pharaoh. Ah, you got it. Tip Hazard, let's hear those keys for the Pharaoh. And I'm Fouad, and I'm playing guitar for the Pharaoh. Thank you. Les quatre premières pièces du nouvel album de Fouad and the Fellstones. Pyramid est le nom de l'album. Les pièces étaient Djiboutical, Pyramid, The Boogalooser et Mo Rockin'. Oui, quatre pièces de l'album, tellement que c'était bon. Ils viennent de Montréal, premièrement. Donc, c'est un groupe band de garage. Hein? Ils font de la musique style années 60. Et puis, là-dedans, il y a Fouad Ramsès. Il y a aussi ses amis qui aiment bien jouer des tours, boire de la bière, écouter du R&B, c'est ce qu'ils disent. C'est Rich and Ready, Lou Dax, Tip Hazard, les membres du groupe. myspace.com/Fouad and the Fellstones. Je vais vous laisser passer par le site de l'émission au www.unechance.com pour vous rendre sur le site et pour écouter plusieurs de leurs pièces, dont du beau petit corps que j'aime bien dire. Fouad and the Fellstones, leur album est Pyramid et c'est un groupe montréalais, je le rappelle. On passe à un autre groupe canadien qui s'appelle ESL. Leur album s'appelle Eye Contact. On a reçu 11 pièces à l'avance de tout le monde. C'est un advance copy. Donc tout de suite, voici la pièce Secrétariat dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois sans savoir où on s'en va. Au 89.1 FM, c'est fou dans vos oreilles. Thank you. Until you break the rules, so do, please do, prove me. Voice, but you hold your tongue so tight it bleeds. So please, prove me. Thank you. DSL avec les trois premières pièces de leur premier album qui s'appelle Eye Contact, ici dans le poste d'écoute. Donc, ESL, quelqu'un du Rolling Stone, Dennis Shepherd, a dit « Si Charlie Chaplin écrivait des chansons avec Björk pour être la trame sonore d'un film de Tim Burton, le résultat musical collectif ressemblerait probablement à ESL. » Hein? C'est quand même une belle chose à dire, ça. Mm-hmm. Et donc, Eye Contact est leur premier album pour ce groupe de Vancouver, ESL. Un band avec la pianiste polonaise et chanteuse Marta Jasubek-McKeever de la formation Girl Nobody, qu'on a joué ici à C'est fou dans nos palmarès anglophones. Il y a celliste, j'ai toujours de la misère à dire ce que c'est, mais bon. Chris Dirksen. Joue du fiddle. Moi, les instruments de musique, sérieusement, je ne connais rien à ça. Diona Davies de Poor Girl, Carolyn Mark, Bigood Tanyas et Joy Mullen de The People vs. The Doers et Greg McPherson. Séparément, leur CV est impressionnant, mais ensemble, ils sont divins. Voilà. Elles sont divins parce que c'est quatre filles. ESLband.com ou myspace.com/ESLband si vous voulez plus d'informations sur ESL, Eye Contact et le nom de l'album. Tout de suite, on s'en va entendre Berry. Elle chante en français. Son album s'appelle Mademoiselle. Et tout de suite, voici la pièce titre Mademoiselle dans le poste d'écoute. On les découvre en même temps toutes les nouveautés reçues à C'est fou pendant la semaine. Ça donne une belle mission. On adore ça depuis tellement longtemps. Mademoiselle, j'ai des secrets, des choses que je sais que je tais. Un vieux bubblegum qui colle soulier comme un homme. Mademoiselle, j'ai des regrets, des trucs pas très chics que j'ai fait. Une odeur de rhum de la peau comme un homme. Je crains d'en savoir un peu trop. L'amour aura ma peau. Je crains d'en savoir un peu trop. L'amour aura ma peau. Mademoiselle, j'ai des frissons. C'est Wesson qui colle à la tête comme un homme. Mademoiselle, j'ai mes raisons. Une foule de questions. Dean Winston qui colle aux lèvres comme un homme. Je crains d'en savoir un peu trop. L'amour aura ma peau. Je crains d'en savoir un peu trop. L'amour aura ma peau. Le bonheur conjugal restera de l'artisanat local. Laissez-vous aller, le temps d'un baiser, je vais vous aimer. Le trésor n'est pas caché, il est juste là, à nos pieds dévoilés. Il nous ferait presque tomber. C'est dommageable qu'on ne vive qu'une seule fois. C'est le temps d'une joie qui s'offre comme vous à moi. Laissez-vous aller, le temps d'un baiser, je vais vous aimer. Seul dans la mer ne changera rien. On s'adore, on s'enterre, on trouve une main et on serre. N'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas. Laissez-vous aller, le temps d'un baiser, je vais vous aimer. Laissez-vous aller, d'un baiser, je vais vous aimer. C'est fou, vous, dans vos oreilles. Du soir au matin, sans trop savoir, je le sens suivre un chemin. Parano, Las Vegas, tango, papadam, papadam, papadam. Sur ma peau, j'aime son No thanks, no. J'entre dans l'antre du casino. Elvis, quelques salauds, au rythme des sabots, un mambo. Le bingo, le banco, le fiasco. Les yeux fermés, une trace bleutée sur sa lèvre tendre, du sang a coulé. Sous mes yeux cernés, du rimmel séché sur ma lèvre tendre, l'espoir d'un baiser. Las Vegas, parano, Las Vegas, tango. Masser les héros, leurs chaussures en croco. Las Vegas, parano. Las Vegas, tango. J'aime assez le héros, son palto, c'est des fous. La peur à fleur de peau, un complot. Il tire un numéro, le zéro. C'est la course poursuite de trop. Il me regarde. Berry avec Las Vegas, précédé de la pièce Le Bonheur et puis de Mademoiselle. Ça, c'était la pièce titre de son nouvel album Mademoiselle. C'est sorti le 25 février en France. On vient de le recevoir ici à C'est Fou. Elle vient de Paris. Okay, Paris. MySpace.com/CasaDeBerry ou encore CasaDeBerry.com. Vous pouvez découvrir le vidéoclip de la pièce Le Bonheur sur son MySpace et entendre plusieurs de ses pièces. Donc, allez vous renseigner là-dessus. Elle est en tournée française en ce moment même. Non, mais je me retourne pour retrouver Geneviève Beaulieu-Veilleux avec sa chronique Je découvre. Bonjour Geneviève. Tout à fait. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, je découvre The Prittle Concern. C'est un groupe canadien natif de Toronto en Ontario qui fait de la musique de style indie rock. Les membres du groupe se sont rencontrés par hasard lors d'arrangements en studio. Le band est composé de Bill Priddle, c'est un ancien musicien des groupes Triple Charger, Broken Social Scene et Don Valtale. J'ai mis and, c'est pas assez copieux. Je viens de m'en rendre compte, j'ai pas mis. Et j'ai mis and. Et vu que c'est écrit and sur la feuille, tu as lu and. Lu, moi, jamais. Jamais. Mais oui, c'est ça. Le dernier groupe, juste, je me répète, c'est Don Valtale. Alors, Bill Priddle est aux voix et à la guitare, Mitch Bowden est à la guitare, Dave Dunham à la batterie et Scott Rimilla à la basse. The Prittle Concern, c'est un disque éponyme sorti le 6 mai dernier et c'est leur tout premier disque en tant que band ensemble, donc depuis qu'ils se sont rencontrés. La formation est assez nouvelle. Oui, mais c'est ça, chacun de leur côté. Okay. Là, ils se sont rencontrés, ils ont formé un groupe et c'était leur tout premier disque. Alors, ça, c'est la petite bio. Maintenant, mon verdict de l'album. Eh bien, la musique de Prittle Concern est bonne, mais sans plus. Alors, je l'ai écouté sans problème, mais j'ai pas, entre guillemets, là, trippé pour autant. Les arrangements musicaux sont bien, mais le tout donne un résultat sans saveur pour moi. La majorité des chansons sur l'album sont constituées de ballades planantes. Ça, c'est un point négatif pour moi. J'aurais davantage préféré un équilibre entre des chansons ballades et d'autres plus rythmées. Parce que moi, là, à force des ballades, ça m'ennuie. Là, c'est trop doux. Puis, C'est comme des biscuits soda, un peu. Ça. Ouais, c'est fade. Peu, c'est ça, c'est fade. c'est ça, j'aurais mis un petit peu plus d'équilibre à ce niveau-là. Les thèmes qui entourent l'album sont variés, mais plutôt sombres. Alors là, encore, ça prolonge l'idée de déprime. On parle d'indifférence, de nostalgie, de paresse, entre autres. Par contre, point positif, j'ai bien apprécié la voix caméléon du chanteur lead Bill Priddle. Elle me fait même penser souvent à celle de John Lennon. du groupe Les Beatles, bien sûr. Oh. Alors, ça, c'est quand même un point intéressant. Par contre, toujours, mon avis est partagé parce que d'un autre côté, je trouve que sa voix, elle manque de tonus, elle manque de drive. Tu l'entends, tu dis pas, ah, oh, ce gars-là, il dégage, il a du charisme. Tu le vois un peu trop passe-partout, qui passe un peu inaperçu, je te dirais. Bref, The Prudel Concern, c'est pas un mauvais produit. C'est seulement que moi, Geneviève, j'ai pas accroché dans le genre. Alors maintenant, c'est à vous de voir si le style musical de ce groupe indie rock va vous plaire. Pour vous aider dans votre choix, je vais vous faire écouter tout de suite deux pièces du groupe. On entendra Faucet Dripping, mais juste avant, la pièce Hold Me On Tight du groupe The Prudel Concern. C'était Geneviève Beaulieu-Veilleux pour la chronique « Je découvre » dans le poste d'écoute. Assez fou, 89,1. Climbing through the apple's eye, nearly baked and new baptized, it came to me. Made it just fine, you know, the six ones that chime I hear below. Impossible, we know we're slipping. We'll could last all day. Crashing waves late at night, they come to call. There's debris in the lake, and the days at last begun to fall. Swimmers' legs behind, I'm crawling away. This could last for an hour. This could last all day. Be glad. so much lower today. Alors, ouais, c'était The Prudel Concern. Assez doux, hein, Mathieu? Oui. Assez calme. Les deux premières étaient plus rythmées, mm-hmm. mais celle-là décrit bien le côté balade dont j'ai parlé tantôt. Donc, on a entendu dans l'ordre Faucet Dripping, Make It Go Away, puis ça, c'était Hold Me On Tight. Ouais, exactement. Mm-hmm. The Prudel Concern. Merci, Geneviève. Mais oui, tout à fait. Prudel Concern. C'est la fin de la deuxième heure du poste d'écoute. Petit rappel de ce qu'a joué Fouad and Fezstones. Ça, c'était un groupe montréalais avec Pyramid. Ensuite, ESL avec Eye Contact. Berry avec Mademoiselle. Et The Prudel Concern avec leur album éponyme. Dans la troisième heure, on va entendre Richard Bleavis et John and Roy, entre autres. Mmh. Ça donne une très belle troisième heure. J'ai mis hâte de découvrir ces choses-là. Vous écoutez donc l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Il nous reste une heure et puis reste avec nous après la pause. Mais on revient, tu sais. Hein? Ben. C'est ça qui arrive, une pause, d'habitude, tu reviens après ça. Ben oui. Ben oui. C'est ennuyé, fait qu'on revient. Ben, c'est ça. Vous allez passer au travers, hein? Faites-vous-en pas. bye, à la semaine prochaine, Geneviève. Bye, Mathieu. Bye, tout le monde. Troisième heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. Toujours Mathieu Plante avec vous. Et il va y avoir de la musique assez, assez différente de ce que vous êtes habitué d'entendre dans les autres radios dans cette troisième heure du poste d'écoute. On va entendre du John and Roy tantôt, mais on commence avec du jazz. C'est Richard Bleavis avec son album qui s'appelle Was Is. Et tout de suite, voici la première pièce Rubber Vendor dans le poste d'écoute. 89.1 FM, c'est jazzé et c'est dans votre radio. 89.fr, cif.ca. On roads from here to never, there is a rubber vendor, a receiver and a sender. A map inside his shoe. For a not-so-great pretender, a cold sink don't come off the wall. When you stand on it, till it picks the lock and refills the slot and sharpen the tooth. Crack the pins till you can't get back in. No, you can't get back in. Slug in the slot, a bump on the head. Jammed mechanism, no big deal. The machine is working back on the wall. Another service call, and the chill of November. Rubber. Headline. Le jazz psychédélique pop de Richard Blivas dans le poste d'écoute. Il vient de New York, cet homme. RichardBlivas.com ou encore MySpace.com/walkthebike. Walk the bike. Les liens sont comme toujours sur le www.chance.com. C'est un pianiste qui a souvent été comparé à Brian Wilson, Miles Davis, Patricia Barber, The Beatles et d'autres. Donc, Richard Blivas avec Was Is. Ça, c'est le nom de l'album. On retourne aux Canadiens pour aller entendre John and Roy. Leur nouvel album s'appelle Another Noon. Et voici tout de suite la pièce titre dans le poste d'écoute. Au 89.1 FM, on découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous, dans votre radio. Ok, oui. Change is coming soon, 'cause if it don't, I'm gonna stay upon this floor on which I lay. Girls had to go below the line that separates some things that I cannot define. And a cold rush up my spine, and I'm feeling mighty fine. I don't know where it's going to, but I know where it's coming from. It's coming from the part of me that's not easily undone. you're standing there all alone with a half full bottle beside from the day you tried to hide. Yes, this shit has bothered me, 'cause I'm positive energy. Girl, your negative vibes taking hold of my mind, body, and soul. I don't mean no disrespect, I just see all of this neglect, and it's making me feel sad. What's the life that you've had? No, this lifestyle ain't your first choice, and I know what you're saying to me ain't your own voice, and I know you understand something. That this ain't no way to be living, living. I hope one day I'll see your eyes out the dark and clear your eyes. See the life you've been abusing, make it good and start again. Find yourself a place to go home, somewhere you're not alone, somewhere you feel good about yourself, where happiness is your source of wealth. John and Roy avec la pièce D.T. Starley, précédée de By the Sea et de Another Moon. Ça, c'était la pièce titre de leur nouvel album Another Noon. Pardon, Another Noon, pas Moon. John and Roy du folk rock roots reggae de Victoria en Colombie-Britannique. JohnandRoy.ca ou myspace.com/JohnandRoy. C'est John Middleton à la guitare et la voix, ainsi que la harpe, et Roy Visor aux percussions. Ils vont être en spectacle le 8 juin à 20h à l'Absinthe de Montréal. Le 8 juin, 20h, Absinthe, Montréal. Leur CD sur iTunes, vous pouvez aussi acheter leur CD sur le MySpace et puis entendre des pièces d'eux. Ils jouent de la musique acoustique. Hein? C'est ça? Oui, ils jouent de la musique acoustique, oui. Ils sont un duo, donc, qui offre du folk rock. Et puis, ça dit aussi dans leur document de presse qu'ils vont être dans la campagne télé pour Volkswagen pendant les 9 prochains mois. Donc, vous allez entendre pas mal souvent John and Roy. Et puis, je cherche. Ils étaient récemment en tournée au Royaume-Uni en mars avec un Buck 65. Et là, ils sont en tournée au Canada pendant le mois de mai, de juin et de juillet. Voilà. JohnandRoy.ca, je le répète, leur album, c'est Another Noon. On reste dans le canadien pour aller entendre du David Martel. Son CD s'appelle I Hardly Knew Me. Et voici sa pièce Stories dans le poste d'écoute au 89.fm. On découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. Et je crois que ça paraît, parce qu'on sait pas du tout ce qu'on s'en va. D'autres pièces de David Martin, on en apprend plus sur cet homme. On retourne dans un poste d'écoute au 89 FM. Save now. Here comes the summer and it's getting colder. Your face, it surprises. Trying to keep it steady, but I'm not quite ready. Your body can lay here beside me. And you're getting so much colder, I'll wait a little longer. It's lovely, I know, and it's yours. So just move on, they tell me, we'll take it to bury. But don't you know, she told me she loved. Maybe if you like dancing, can I do all the leading? I'll do all your makeup, 'cause your arms aren't working anymore. I'll take you to the city, my dear, you look so pretty. I wish I could touch you like the old days. It's a long way till December, and I just can't remember your name, but it still rings inside. Hey, it's still yours and mine. And so here comes the summer, and it's getting colder. Surprises. Been trying to keep it steady, but I'm just not quite ready. Your body can lay here beside mine. And you're getting so much colder, I'll wait a little longer. It's and it's yours. So move on, they tell me we'll take it to bury. But don't you know, she told me she is still yours and mine. Pièce très calme de David Martel. Son nouvel album s'appelle I Hardly Knew Me. Et ça, c'était Yours and Mine, précédé de The End of Self et de la pièce Stories au début du bloc. David Martel, chanteur qui lance son premier album en magasin dès le 27 mai. Le David Martel's Debutant Ball aura lieu le 5 juin au Cabaret Juste pour Rire de Montréal. Et avant même que le monde soit monde, David Martel savait déjà qu'il ferait de la musique. Pour y parvenir, il s'est donc fixé des objectifs, naître et ensuite faire de la musique. Passons vite sur les détails du passé pour arriver en 2008, dit-il, année de la sortie de son premier album solo I Hardly Knew Me. Cet album transporte l'auditeur au cœur d'un voyage aux vagues folk pop où mélodies contagieuses et fougues puissantes se côtoient. La voix de David Martel vous transportera au plus profond de son être, apercevant au passage tant sa belle sensibilité, son amour pour le folk, que sa passion démentielle. Quelques citations. Ce sera l'album de l'année au Canada, dit Dave Cole, réalisateur du documentaire What is Indie. Gardez un œil sur lui, ce sera l'artiste à surveiller en 2008 pour nous représenter à l'étranger, disait Agatha DeSantis de Seacott à Montréal. L'album a été enregistré, réalisé pardon, par Dave Sturton, qui a travaillé avec Jean Leloup et The Snitches, et David Martel, et a été enregistré au DNA Studios. Des extraits sont disponibles sur son MySpace ou myspace.com/IAmDavidMartel. Là-dessus, ça dit, encore une fois, le spectacle de lancement le 5 juin à Montréal au cabaret Juste pour rire. D'ici là, il va être le 17 mai. Ça, si je comprends bien, c'est demain soir, samedi, si vous écoutez le vendredi, au Centre Saint-Ambroise avec Rob Sabot. Ça, c'est à Montréal, au Centre Saint-Ambroise. Ensuite, il va être en Ontario pour le mois de juin. Encore une fois, myspace.com/IAmDavidMartel. David Martel, son album, c'est I Hardly Knew Me. On continue avec quelque chose de complètement différent. C'est Friendly Witch and the Lollipop People. Très jolie pochette en tissu, en genre de bricolage découpé. Très, très joli. Un dinosaure avec un homme à barbe dessus. Des arbres et une rivière. À l'arrière, il y a un dinosaure qui regarde vers l'océan, vers devant lui. La première pièce s'appelle Gentleman's Club. Et la voici tout de suite. Dans le poste d'écoute au 89.fm, dans vos oreilles. Bone, you live together, you die alone, you row, row, row your boat. boat. We'll all get to heaven. We're all made from flesh and bone. You live together, you die alone. Row, row your boat. We'll all get to heaven. Well, we've just Friendly, Rich and the Lollipop People avec l'album Dinosaur Power et les pièces Gentleman's Club, Fatwa et Maybe Tomorrow. Donc, Friendly Rich Marcella est un compositeur de Georgetown en Ontario. Monsieur Rich a composé la musique d'arrière-plan pour les trois saisons de l'émission de MTV The Tom Green Show. Depuis 1994, il enregistre exclusivement sur sa propre étiquette The Pumpkin Pie Corporation. En 2006, il a développé un spectacle vaudeville extrême qui s'appelait The Friendly Rich Show featuring the Lollipop People avec des marionnettes, des dessins animés, des appels en blague, des crank calls et beaucoup plus. Et depuis ce temps-là, il a voyagé à New York, Montréal, Vienne, Berlin, un paquet d'autres places. En 2008, au début de 2008, l'album est sorti en Europe. Et puis avec The Lollipop People, ils ont fait une petite tournée en Allemagne et en Autriche pendant le mois de mars. FriendlyRich.com, c'est son site web, FriendlyRich.com. Il va être... Il était le 15 mai à Victoriaville au Festival international de musique actuelle de Victoriaville. Il va être le 18 à Orangeville, en Ontario. Ensuite, il revient à Montréal le 14 juin à la Casa del Popolo. Il va être aussi plus tard en Ontario pendant les mois d'août et de septembre. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a demandé à 5 différents scénaristes ou personnes qui font des films partout dans le monde pour produire des vidéoclips pour 5 pièces de son CD. Allez voir le friendlyrich.com pour en savoir plus là-dessus ou myspace.com/friendlyrich. Voilà, c'est la fin du poste d'écoute pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Troisième heure remplie de plein de choses. Le Richard Bliwes avec Oasis, John and Roy avec Another Noon, David Martel que j'ai beaucoup apprécié avec I Hardly Knew Me, et puis finalement Freddie Rich and the Lollipop People. L'album s'appelle Dinosaur Power. On va se quitter avec une pièce de notre poste d'or cette semaine. Oui, le poste d'or, c'est Lesbo Vrouven avec Encore la mort. On va entendre la pièce Books dans quelques instants. Le temps de vous dire merci encore d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir d'autres nouveautés ensemble pour la première fois. C'est le vendredi matin à partir de 10h. Les rediffusions sont sur le cifou.ca. Vous pouvez aussi aller sur le www.unechance.com pour écouter la balado-diffusion et pour visiter tous les liens de l'émission d'aujourd'hui, www.unechance.com. Je vous retrouve aussi à La Connexion et au Palmarès Cifou de la part de toute l'équipe fictive et de Geneviève Beaulieu-Veilleux. Faites attention à vos genoux. Bonne semaine et bonne chance!